sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Vous êtes bien sur RKB pour Hind à Brezonek. Aujourd'hui, l'émission 380, Trihan à Perugen. Oui, et aujourd'hui, pour Guerrier ou Revue, on va parler de Ébreul, hein, puisqu'on est au mois d'avril maintenant. Donc, ce mot Ébreul, qui est bien connu, hein, puisqu'il y a des gens qui s'appellent comme ça. Hein. Des gens bien connus qu'on aime bien. Au moins deux qu'on connaît. Hein. C'est un nom qui incite à chanter, probablement. Et donc Ébreul, donc qui est le nom du mois d'avril en breton. Alors bon, dans toutes les langues européennes, pratiquement, ça vient du latin, hein, aprilis, hein, donc qui est le deuxième mois de l'année romaine. On avait vu que l'année démarrait au 1er mars, hein, et donc dans l'année romaine. Et donc là, c'est le deuxième mois. C'est la même racine que aprire, hein. Donc c'est l'ouverture des bourgeons. Hein, voilà. On dit l'apertura en italien. Et donc effectivement, le P s'est conservé. Par exemple, en anglais, par exemple, le P s'est conservé. Alors qu'en breton, il s'est adouci en V. En B, je veux dire. Donc Ébreul. Et on trouve la même chose, en gallois et en cornique, hein, on va trouver la même chose. Voilà. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a les noms, le nom de famille est bien connu, hein. Il y a aussi Ébreulek, hein, qui est moins répandu et qui est un adjectif qui désigne tout ce qui concerne le mois d'avril. Alors le mois d'avril, c'est un mois en principe, où la douceur du temps revient, on verra cette année. Et donc, il y a beaucoup de choses. Alors, de dictons, il y a beaucoup de traditions. Mais la première tradition, c'est le poisson d'avril. Hein. Donc, le poisson d'avril, chaque année, on essaie de faire quelques farces ou de faire croire. Et c'est une tradition qui est très ancienne. Hein. Et en Bretagne, elle avait lieu comme ailleurs. Alors il y avait des farces particulières. En Bretagne, par exemple, on envoyait aux enfants qu'on fait des farces. Hein. On les envoyait, par exemple, chez le couvreur chercher la corde à tourner le vent. Tiers de Glasgow Gordon Dryenhovel. Ou bien alors, on les envoyait chercher des queues de grenouilles. Monteglasque Loschow Gliska. Puisqu'on sait que la grenouille est un batracien anour. Et puis par conséquent, qu'on n'a pas de queue. Hein, donc voilà, aller collecter des... Et alors, il y avait des tas de farces comme ça, de quiproquos provoqués, enfin, voilà. Et comment on dit poisson d'avril? Heurpesquibre, là. Comme en français, c'est là. Alors, par contre, on n'attachait pas des poissons au dos des gens. Par ici, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors il y a énormément de proverbes et de dictons. Hein. Bon déjà on dit hein, en français on dit en avril ne te découvre pas d'un fil, hein, pour signifier qu'en fait le temps n'est pas forcément beaucoup plus clément qu'au mois de mars. Hein. Et donc il faut toujours se méfier. Alors dans le pays gallo aussi hein, il y a beaucoup d'expressions qui concernent le mois d'avril. Par exemple à la mi-avril, hein, en gallo on prononce pas le L, le seigle est en épi. Alors bien sûr, hein, le fameux dicton à la Saint-Georges, sème ton orge à la Saint-Marc, il est trop tard, hein, donc le 23 et le 25 avril. Il y a aussi pour la Saint-Marc, hein, donc il y a aussi dans des proverbes en breton, par exemple, Saint-Marc guari dorchen, la que zog de vrechen. C'est-à-dire Saint-Marc sur son coussin énerve les vaches, hein, les conduit à s'exciter, quoi, voilà. À la Saint-Georges, l'épi du blé est dans la gorge, ça c'est dans le pays gallo. À la mi-avril, tous les oiseaux font leur nid, sauf la caille et la perdrix, hein, je ne sais pas si c'est vrai, voilà. De Wildmark aussi, Now Dewson Earth Park à la Saint-Marc, le dernier, les dernières semences hein, doivent être dans les champs. Hein, c'était maintenant il y a des semences qu'on met des fois un peu plus tard. Hein, le maïs c'est des fois un petit peu plus tard, mais enfin à cette époque-là effectivement c'était surtout des céréales hein, et donc des céréales à paille. Hein, et donc voilà. Donc voilà, hein, sur le mois d'avril, il y a beaucoup de choses hein, dans les traditions populaires comme ça. Quoi. C'est un mois important, quoi. C'est un mois qui est très important. Alors, oui, c'est le renouveau de la nature, en fait. Voilà, j'espère que tout le monde passera un bon mois d'avril. Alors, on n'a pas fait de farce. Hein. Tout ce que je dis était relativement vrai. Ça nous est arrivé hein, d'annoncer des trucs un peu extraordinaires en avril. Ah bon? Ouais. Mais après, il faut démentir, alors c'est compliqué. Bon, on passe à la deuxième partie de l'émission alors. Brisonnec, temps m'attend. Donc, deuxième partie d'émission, Brisonnec, temps m'attend. Oui, alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Chaque année, il y a le printemps des poètes, et j'aime bien évoquer un peu un poète à cette occasion-là. Et oui, aujourd'hui, j'avais envie de parler de Toussaint le Garec. Tu as déjà entendu parler dessus, là? Non, mais il doit être du coin avec un nom comme ça. Toussaint le Garec, il était de Kergris-Moëlou. Alors, à quelle époque il a vécu? Et alors, il est né en 1862 et il est mort en 1939. Et donc, il a écrit beaucoup de poèmes. Hein. C'est un... en breton, hein. toute son œuvre est en breton, pratiquement. Je crois qu'il a écrit quelques autres choses en français, mais son œuvre est surtout en breton, avec un très bon breton. Hein. C'est très bien écrit. Alors, c'est un poète qui était... il a publié en fait sa somme de poèmes en 1935, mais en fait c'est quand même un poète on pourrait dire du 19e siècle pratiquement dans l'esprit quoi hein, c'est-à-dire il est un petit peu dans le courant des fées à Breis, c'est-à-dire des gens qui pensaient que le breton et la religion étaient des choses liées quoi, breu à roir comme on disait. Et il pensait que la religion serait un rempart pour sauver le breton, quoi. Il n'avait pas imaginé que l'Église elle-même puisse se retrouver dans le clan des Jacobins. Pour lui, c'était impensable. Les deux étaient parfaitement liés. Alors, il a écrit pas mal de poèmes. Et donc, il a vécu à Morlaix. Hein, il était parti. Il a fait une très bonne instruction. Donc, il était parti à Morlaix. Et là, il a publié Moesiu et Nabardenons, hein, en 1935. Il était son propre éditeur, quoi. Un livre qui est aujourd'hui très difficile à trouver, probablement. Il est passé entre mes mains il y a quelques années. J'avais fait quelques photocopies. Je ne sais plus qui m'avait prêté ça. Et donc, mais j'ai pas l'ensemble. Hein. Alors, donc on retrouve beaucoup de choses de cet esprit de l'époque. C'était un ami de Taldir, hein. Et donc il a écrit, par exemple, il avait écrit une chanson pour les poètes, hein, sur l'air du Brogoz aussi, quoi, avec un refrain. Alors il parle toujours de la harpe et tout. Enfin bon, il y a toutes ces images. Hein. Et alors c'était quelqu'un qui a écrit beaucoup de poèmes sur la nature. Il a écrit des poèmes, par exemple, sur l'ajon, hein, qui pour lui un symbole de, c'est presque un frère des Bretons, hein, qui vit sur les mêmes terres. Il s'accroche, il est dur, il est voilà. Il a écrit de très belles choses sur l'aubépine aussi. C'est un peu de saison, hein. Sperme Gwen, voilà. Et il a écrit des textes aussi sur les différents pays de Bretagne, hein. Par exemple, Broguerné, donc la Cornouaille, Brodreger, Broleon. Donc, voilà. Et il a écrit pas mal de poèmes, bien sûr, pour défendre la langue bretonne, puisque déjà, à l'époque, hein, c'était très difficile. Hein. La langue bretonne était combattue, comme elle l'est un peu aujourd'hui encore. Hein. Et donc, il a écrit beaucoup de choses. Il a également écrit des choses satiriques, par exemple Zonder Hemener, hein, le pauvre Kemener, hein, il est toujours l'objet de toutes les railleries, hein, voilà. Aussi, il a écrit des poèmes consacrés à la paix et à la guerre, hein, puisque bien sûr il a vécu une période difficile puisqu'il a perdu un fils à la guerre 14, hein, voilà. Et donc beaucoup de poèmes, hein, c'est un peu difficile. Il écrivait aussi des oraisons funèbres en vers, hein, par exemple pour Prosper Proulx, au moment de son décès, du monument qui lui avait été consacré à Guerlesquin. Donc il écrivait aussi des oraisons funèbres, des choses comme ça, quoi. Donc ce serait quelqu'un qui serait intéressant à redécouvrir. Je pense que à Kergris, peu de gens s'en souviennent. Et bon, ce serait intéressant. Peut-être qu'on aura l'occasion parfois de relire quelques vers de Toussaint Le Garec. Voilà. Un petit tour dans le passé. On passe à la troisième partie d'émission, Petra Zonévé-Arvrou. Thank you. setuerie Petrazone Vervro. Ben, un calzedra ou zone Vervro, vous pouvez avoir vécu aux zones. Ma peu soin de vos commences, de velkis à custume, gand, là, bourdouar, à gavu et war armes. De ce que gual belzo, ou abedli, de trégon de l'art, c'est d'appât. Zé ou abégrette, ben, langueux, hag, ou abeau de calzedut, puis dur, vraiment, zo calzedut, ben, c'est d'appât. Puis ou acrog de c'est d'appât, ou un que mes seis. Mais leur seis breur, on tombe, hein. Au nom de André Pochon, hein, au rang d'avant hag, Huerdin, on drôdan. Hag, André Pochon, ou déjà rang d'avant, hein, via le pot de Melchon Gwen, hein, puis y'en de l'art, et puis sa mode, ou à Red, Neubeta d'un Thames, hag, Dreistol, un Thames, gan, azote, à cette ou à mode, quand Melchon Gwen oriente, hein. Hag, ou à lance de Ganzi, hag, bon, pez neus gred ur se dapa, et klas gen chou neve benefin, evit, la bourdouar, da la rade, la kad neptor redems, neptor louzeyer, klas boud emren benefin, hein, autonome vel arze in galag, hein, emren. Hag, bon, zo bid, de houl se peo a krog de gant ar sedapa, ne vije ke chilo e kalz ar sedapa gant ar penou bras, de ze la bordou ar evel just. Ha, vraiment zo gweled, me meus ra vije bi gwelar chilo an tamp pe ze la reñ, pe dur, war kalz e boinche ou e virion le gante. Bon, setu la ram d'ar sedapa, der mon war an tuz, à dire de la bourre, donc à chance voir de la rendre. Hendel, bon, comme je vais calze, puis comme de ce l'arbre d'oua, vais comme je calze, remarrément de ce pack névé, puis dur, bon, au labour, ouais, au neuf de mijo ou arzé, bon, n'est qu'est-ce clair, ouais, c'est trop bon, vote des bides, quand le parlement de Breu Europa, mais de bonnes cudées nous aux rois, de houd, un peu sa mode, vos graines, ma vos icours mûres, rées au tiwal de ze nendro, et ma vos laques de, orpag, mûres, gouir, ma peu soin, pis glace, j'ai des pentes, un peu ça, mode vela. Hag, d'assion chiolos, ar, et peau de ra wardro, ze, bah, europa, ne slar de vos presse d'un trou, vide misvoen. Bon, gouel vos pis sa mode, vos con, ma vos presse d'un trou, hag ma trezen vo kudé no c'hoaz ben a-an. Bon, war d'achen la bordou ar c'hant de lusken bremañ, c'hat komz vo de zi ben ar vejel, war d'achen ar politiker, bon, n'eus ket kalz dra de l'ar ar mar emañ, gwelet ve kudé no gant e pen o braz, ve sklij direk ar justice, hag bon, n'an ket de komz de se, mais on drame me stra grave en fait tu soir pv casse de peine au bras dit c'est direct justice là rang tout dans une fiance bah justice au bro bah justice au bro bénéfine hein, j'ai confiance dans la justice de mon pays à travers au sens quoi c'est au concho y est squat on temps avec mine la fin que j'ai mine parce que casse de fiance hein, bah sur justice bénéfine plus dur vidon mi tient or on a fer erran dans une erran de baie au trop à d'avocat de au placement direct justice or potiès d'in manus que d'erran estertan déjà il y en a vingtaine puis Jean de la Fontaine l'art et Grigel à ses mots cria à rose sur le baudet quoi de la radé un asen voilà que quand plus de student trop valoir herbite avec et chieux et grand large, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Hag, de me jonge, je n'ai que béchange, calze un trou, boué. Sais-tu, dis ce manquante, bon, peut de, bon, non, que te l'arme mieux, heureuse rouge de ce pénobras, hein, hudune dé. Bon, Hendel, warda chez une économie, Zara, ve clève de l'art au Bern Brudé, res ve grède vie de renverse de internet, hein, e-converse ve l'art, hein. Hag, nevesso, meus gwell de, me mestra, zo tud, zo commence de grand point, zo cudé nou ganzé, pu dur, pv prenne de trop war an internet, dis, Vepe d'un taillou l'erel. C'est de la radé, ve casse de bénéfice zézo, casse un taillou l'erel. Adraistol, un dro de baris, plusieurs casés, tout de staliou. Il converse au baparis. C'est une pv que prend notre homme en bavro, ve casse d'un taillou l'erel zézo, harlu un taillou. Pes velard, une galac velard, exode fiscal. Hag ma trezen ve febe mot en dun jonge à l'ontom, pe sa mod, e gwell ar pren o traoù bavrou, vi mont te pren on el erhel gant ar roedat. Me gure ester, pe dur ve get kalz eur uderez, hag ar eur un dud ran ket gant zi, ve gwellet vel tud o ar l'er yel l'ontom. Tu te dis en sérieux. Bon, me mestra, VFB, moi, Jean Jalon, tombe, ben, affaire. Bon, vraiment, rendre de gombe, on tombe de cette représente, que, Pewa Fon Jolande, Kambali, ou Abbé de promettre de retourner, d'adorer, elle ne s'y est ou guasque dans le temps, ou Abbé promettre, t'es, VGB de Grède, Zine de Carta, carta bro Europa vider Jesu guasket hag bon bremen zo tele de nafers ba meskelinat hag dur et tramne de vot adegu pe so prometet ve dan gweit hag ne vo ke zine benefin carta gant bro France hag bromen ve kleve de o neube de ze penou braz o larn ne kelon dravat da skouir gant distor war war i ping-pong zo tre Jean-Jacques Urvoise ban tu Clay hag Marc Le Fur ban tu Derou pe ban tu Gwen hag pepan ye gant melo di sentir benefin me gwell ar vefe bel l'arte de l'ar n'enke vidor mand be de bar mod man je benefin vekas gant de Jacobinet hag mon rins ar l'ar de mis o hont de vel, mis o hont de skriv, mis o hont me. Bez ne chancho ke man bet. Hendel meus gwell ar Christian Troideg, neus o hont de skriv o d'ur president de Goulgant o mont de vel, non? War un trangze, bon, ba, chance war de la ramdan. Me greidan ket de... Kien koul ze febe dan o mont de glaske gordon de traienan vel la rin ur vech pedeg da se. Hag juste ma mamezmar et wa gretze zo bexave do o homité Théodule un dro de Riez ou Brovrance de houl zezo collectif pour les langues de France puis conseil consultatif à traudis zé tout d'un trouse zo comité Théodule homité Théodule zo au ne battu de non de l'assemblée de Jonja la de scrive entre eux a de trou a benefin ha banon tir ad beneket avant que l'en grande une bête an de gira vigeante que de netra a c'est tu homité Théodule zo be de zave da gwel mezo potiers paul mola garbars a ge dis mesure bop de la bourre ad vimon mais dis se man compte bon hindel me strav ve gred trou calze du de zo storm brise brise vidoriers mais peso zuesus hein pv quel tout d'un dut sur la bourre de vidoriez brise benefine un trou chant non que warok un n que des ne storm ce n'est que des faits du stormbit a peso zuesus pv quel de ba bro corsica da square rappelle quel un trou vidoriez plusieurs meslen ne ce que gual pelzo ba bro corsica de ce que medon au nom de regan de ce vugal et un rente que tombe corse bit bascole hag breizom e hontrolrik zo daou dregan a ra brezandek. Hag gouskoud e sens dom ba mamez republik bopet bro Korsika. Hag ne gredan ke dra mu ar striv ou un dud ba bro Korsika vidoyez vive gred arme. Me or gud un benek et zo. Bon, nan ke de l'arpel or me jonge me zwar na farz me. Nan ke de l'arpel or ka redé diwal me mestra de spes velart hein. Surtout de banan zo vraiment Hendel zo bon zo trou a zo brau me mesra gwel meus un DL ou un bet ba Melkarez vid kan ur bob la gar meus gwel et kal ze bugale o kanan hag zezo plus justre hag bon dern hei de bondi hag vo klev el roaz bugal et bugal et a tudel hein tu te cause mais bugal et blichtin ka bon zeso am zor de zon riez benefina hag se tu meus kavet oa plijad ur ba bon non ke be ba kavant pu dur oa ma meus de med klev meus oa bra an traoù ba kavant ivez bon se tu yon tant de spesonne e bavro hag ben vegel vo la roaz.